Je voudrais que tu comprennes ce qu'est le vrai courage. C'est savoir que tu pars battu d'avance et malgré cela, agir quand même et tenir jusqu'au bout. Voilà, c'était avec cette petite citation ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee que je voulais commencer ma petite contribution au Frankencast. Eh bien, d'abord, salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, moi c'est Thomas Munier. Je voulais donc contribuer au sujet penser le monde à travers le jeu de rôle. Tout d'abord pour vous avouer que j'ai vraiment beaucoup hésité à faire cet enregistrement parce que il contribue en fait à griller une de mes cartouches. Donc bon, on va prendre le risque puisque en fait je vais vous parler justement. D'expliquer sa vision du monde et justement de ne pas forcément l'expliquer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est quoi ma vision du monde personnellement? Eh bien, elle travaille beaucoup à travers un prisme qui est mes convictions animalistes. C'est-à-dire que je pense que les animaux devraient être égaux en droit, en tout cas. Concernant beaucoup de droits, devraient être considérés comme les égaux des humains, du fait que ce sont des êtres conscients. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein. Et donc, concrètement, j'ai déjà exploré ce sujet dans plusieurs de mes jeux de rôle, et notamment dans l'univers forestier de Milvaux. Et là, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai décidé de l'explorer vraiment à fond. Donc dans ma campagne, l'ordre et le sauvage. L'idée, elle est effectivement tout à fait militante, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est de proposer une campagne de jeu de rôle qui puisse permettre de réfléchir en fait sur l'animalisme, sur la conscience animale et sur les diverses souffrances qui sont infligées aux animaux par les humains. Et évidemment, il ne s'agit pas uniquement de faire réfléchir, quoi. Il s'agit de faire réfléchir pour faire changer les comportements qu'on a dans notre vie de tous les jours et qui impactent énormément la situation des animaux. Et donc là, on en vient au problème de comment on le fait à partir d'une campagne de jeu de rôle. Eh bien, on ne peut pas le faire frontalement, je pense. C'est-à-dire que si je mets un gros label animaliste sur ma campagne, ça ne va intéresser que les personnes qui sont déjà convaincues et qui, en fait, même si c'est super intéressant hein, de jouer avec des animalistes, mais sauf que c'est pas, en fait, si je joue avec des animalistes, on va le faire pour s'amuser, pour réfléchir ensemble, entre personnes convaincues, mais moi je vais aussi pouvoir toucher des personnes qui sont pas animalistes. C'est-à-dire, voilà, beaucoup, la plupart des gens, quoi. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas un énorme sticker animaliste sur la couverture de la campagne, et que cette campagne, il faut avant tout, eh bien, qu'elle soit divertissante, et qu'il y ait un contenu ludonarratif qui soit très intéressant, qui soit passionnant, même si on retire, eh bien, le propos animaliste. Et donc, pour ça, il faut proposer, voilà, des enjeux ludiques, des enjeux narratifs. Voilà, qui soit intéressant, donc il faut que le game design soit irréprochable de ce point de vue-là. Bon, je vais pas vous détailler comment je m'y prends, mais voilà, disons qu'en tout cas, le game design est pris très au sérieux. Et après, quand le thème de l'animalisme est abordé dans la campagne, et il l'est très souvent, c'est le thème principal. Il faut pas que ce soit une leçon de morale. C'est-à-dire que si les situations sont là pour faire la morale aux PJ et aux joueuses, eh bien à nouveau les personnes qui ne sont pas convaincues au départ, il y a des chances que eh ben, elles ressortent encore moins convaincues qu'avant, quoi. Et donc, par conséquent, c'est aussi pour ça que je tais mon propos. Grosso modo, la campagne, elle tient lieu en fait dans le cadre d'une guerre entre l'humain et le sauvage. Entre les humains et les animaux, entre l'ordre et le sauvage, quoi. entre l'humain et la nature, entre l'artifice et la nature. Donc ça, on sait que c'est le thème, mais voilà, ça annonce pas encore trop clairement la couleur animaliste. L'idée, c'est de proposer des situations qui soient dans ce thème et dans lesquelles il y a des choix tactiques et des choix moraux à faire. Et il y a plusieurs choses qui sont imposées. Déjà, le ou la MJ ne doit pas juger les actions des PJ. C'est-à-dire, la personne n'est pas censée faire des commentaires sur leurs actions. Il faut laisser en fait les joueurs, les joueuses, eh bien, faire leurs erreurs, faire leurs expériences. Et puis après, s'il y a des conclusions à en tirer dans la vraie vie, eh ben, elles seront tirées. Je vais finir avec deux exemples de situations qui me paraissent emblématiques de ce que j'ai essayé de faire, dans l'idée de d'aller quand même dans les thèmes, mais de jamais donner le jugement tout fait, et de, en fait de pas donner mon avis personnel sur les situations. Le premier cas, c'est le dilemme moral de la bile d'ours. En fait, c'est une situation où un PNJ, ami des PJ, est gravement malade. Il est possible aussi qu'à ce stade-là, il y ait aussi un PJ qui soit malade, ça fait partie des possibilités. Et en fait, les PJ, au cours de leur pérégrination, ils vont être amenés à rencontrer un couple de vieux qui élève un ours en fait dans une cage. Donc c'est un ours qui est affamé en fait, il est gardé volontairement amaigri, il est dans une cage dans laquelle il a aucune liberté de mouvement, il peut pas bouger ni ses pattes ni sa tête. Et en fait, il y a un cathéter qui est dans sa vésicule biliaire et qui lui prélève de la bile régulièrement. En fait, cette bile est utilisée comme remède. En fait, dans le jeu, c'est un remède miracle et ça va permettre de guérir en fait leur copain PNJ. C'est un peu cher, mais bon, voilà, globalement, ça peut, ça, les PJ peuvent se l'offrir. Ils ont plusieurs, en fait, ils ont plein de possibilités. Ils peuvent se l'offrir, ils peuvent éventuellement tuer les vieux ou voler la bile d'ours aussi. Et puis, ils ont d'autres possibilités. En l'occurrence, lors de mon test, et ben en fait, les PJ ont tué les vieux et ils ont libéré l'ours. Mais ils ont quand même en fait gardé une dose de bile d'ours pour guérir leur ami. Voilà. L'autre exemple, c'est les PJ arrivent dans un village et en fait ils vont rencontrer un couple assez étrange. Il s'agit d'un goupil, donc les goupils ce sont des renards anthropomorphes, qui a une relation amoureuse avec une femme, une humaine. Donc, visiblement, il y a beaucoup de tendresse entre les deux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, grosso modo, cette humaine, elle héberge ce goupil et elle l'engraisse. Voilà, il est vraiment très très corpulent. On peut parler d'obésité massive à ce stade-là, quoi. Et en fait, ce que les PJ vont découvrir rapidement, c'est que l'objectif à moyen terme de la femme, eh bien, c'est de tuer ce goupil parce qu'en fait, si elle l'engraisse, c'est pour obtenir la meilleure qualité de fourrure. Donc en fait, elle va juste en faire un manteau de fourrure. La situation est étrange dans le sens où elle a quand même des sentiments pour lui. En fait, elle compartimente en gros. C'est tant qu'il est vivant, elle est amoureuse de lui. Et puis, bah, quand il sera prêt en fait pour faire un parfait manteau de fourrure, elle va le tuer. Et donc là, à nouveau, les PJ sont très libres de ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent n'en avoir rien à faire de la situation, ne pas intervenir. Ils peuvent essayer de. Il y a moyen en fait d'arranger les choses de façon pacifique, c'est-à-dire ils ont les moyens de convaincre la femme de renoncer à ses projets. Ils peuvent pousser le couple à se séparer. Ils peuvent au contraire leur permettre de rester ensemble. Ils ont beaucoup de latitude. Et avec mon groupe test, ils ont convaincu la femme de laisser tomber en fait son projet morbide et ils ont pris le goupil sous leur aile. Et ce qui est amusant, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, bah, la goupil du groupe, elle a développé une romance avec ce goupil. À la fin, ils sont mariés. Bon, voilà. Ça, ce sont deux situations qui sont très inspirées en fait de choses qui existent dans la vraie vie. Hein. Dans certains pays asiatiques, hein, les ours sont toujours comme ça, maintenus dans une captivité. On leur prélève de la bile d'ours, donc c'est une torture, voilà. Et puis ce truc d'engraisser les renards pour avoir leur fourrure, ça se fait avec des renards polaires en fait, donc dans les pays du Nord, quoi, plutôt. Voilà, j'espère que ces deux exemples ont permis de vous illustrer vraiment le dilemme qui est le mien, qui est évidemment d'avoir voilà, entre guillemets, d'avoir de secouer un peu les mentalités au sujet du sort des animaux. Et là, je parle les exemples que j'ai cités sont encore des cas que j'estime marginaux. Il y a des choses plus quotidiennes que tout le monde fait et qui sont tout aussi graves, quoi. Et voilà comment j'ai essayé d'équilibrer entre eh bien, proposer simplement une expérience rôliste qui soit intéressante et quand même derrière montrer un peu ma vision du monde, donner à voir en fait comment je ressens les choses vis-à-vis des comportements qu'on a envers les animaux et puis voilà, essayer d'ouvrir un dialogue indirect avec les autres. Allez, salut, portez-vous bien.